Depuis le début de la conquête spatiale, l'industrie aéronautique recherche la solution à la fois la plus économe, la moins lourde, la plus énergétique et celle qui entretient d'ailleurs le meilleur rapport entre toutes ces contraintes pour aller explorer l'espace. La première de ces solutions, la principale, c'est évidemment la propulsion chimique, les bons vieux ergols, puis il y a eu la propulsion nucléaire, le moteur ionique. Et depuis quelques années, une nouvelle méthode de propulsion hyper légère qui a fait ses preuves et qui pourrait même emmener des micro-sondes jusqu'au système de Proxima du Centaure a fait son apparition, ce sont les voiles solaires. Voile solaire, l'espace prend le large, c'est le programme ICEO qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette navigation au très très long cours, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Yves Prado, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur retraité du CNES, président de l'association U3P pour l'Union pour la promotion de la propulsion photonique et nous devrions être en ligne d'ici peu de temps avec Michael Kahn en duplex depuis Darmstadt. Apparemment la connexion a un peu de mal à se faire, qui est ingénieur affecté au Centre européen des opérations spatiales. Mais avant de hisser la grand voile et d'affaler la drisse, on reste à terre pour prendre les dernières nouvelles de la recherche avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et dans ce journal, une étude parue hier dans Nature Astronomy, les nuages moléculaires des galaxies lointaines sont radicalement différents de ceux de notre Voie lactée. Les nuages moléculaires, ce sont des masses de gaz qui forment, par condensation, des amas d'étoiles. On connaît bien leurs propriétés physiques dans notre galaxie, mais pas pour celles qui sont plus lointaines. Pour la première fois, une équipe dirigée par l'Université de Genève vient d'observer les nuages moléculaires d'une jeune galaxie, le serpent cosmique situé à plus de 8 milliards d'années-lumière. Pour cela, ils ont utilisé le phénomène de la lentille gravitationnelle, qui grossit les objets, associé à l'interféromètre ALMA. Les observations correspondent aux simulations numériques de l'origine de l'univers. Les nuages moléculaires du serpent cosmique sont plus actifs que ceux de la Voie lactée. Ils produisent 100 fois plus d'étoiles. Pourquoi une telle efficacité de formation d'étoiles? Françoise Combe est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et professeure au Collège de France. Elle est signataire de cette étude. Il y a plusieurs choses. On pense que d'abord, il y a beaucoup plus de gaz. C'est une galaxie qui a plus que 50% de sa masse en gaz, en masse de baryon, de l'atome ordinaire. Et puis, donc, il y a beaucoup plus de gaz. Il est plus instable. Donc, il forme des gros nuages. Et puis aussi, lorsqu'on est loin dans l'univers, donc, l'expansion, aujourd'hui, nous a dilué un peu toutes les galaxies. Elles ont une densité plus faible. Autrefois, on avait toute une densité plus forte. Donc, quand on a une densité plus forte dans une galaxie, tous les temps caractéristiques sont plus courts, tout se passe plus vite. Donc on pense que dans le passé, le temps dynamique était beaucoup plus rapide, donc on formait beaucoup plus d'étoiles. Mais c'est la première fois qu'on a pu le voir, vraiment voir les nuages un par un, alors que d'habitude, on a juste tout un amas de nuages qu'on n'arrive pas à résoudre les uns par rapport aux autres. L'avantage de cette lentille gravitationnelle qui nous a amplifié l'image. C'est une première étape, le début de quelque chose. Le début où on essaie de comprendre ce qui se passe au début de l'univers, pourquoi toutes les étoiles que l'on voit aujourd'hui autour de la Voie lactée se sont formées dans la première moitié de l'âge de l'univers, pourquoi tout était plus actif autrefois. C'est la première fois qu'on résout les nuages un par un, donc c'est le début d'une époque où on pourra faire ce qu'on fait aujourd'hui dans la Voie lactée, le faire dans des galaxies beaucoup plus lointaines. Voilà, comme chaque jour, les liens vers les études que nous mentionnons et que nous détaillons dans ce journal des sciences, ainsi que tout au long de l'émission, c'est à retrouver sur le fil Twitter de la méthode scientifique, @lamethodefc. Et on passe au bref du jour. Les climatologues français viennent de publier aujourd'hui leurs résultats pour le prochain rapport du GIEC. Ils prévoient un réchauffement plus élevé que ceux des dernières prévisions. Ils proposent 8 scénarios et selon le plus pessimiste, celui où une croissance économique rapide est associée à l'exploitation d'énergies fossiles, la température moyenne globale va augmenter de 6 à 7 degrés en 2100. C'est 1 degré de plus que les pires estimations faites en 2012. Alors, pourquoi cette différence? Les nouveaux modèles de simulation du climat se sont affinés depuis. Les émissions de gaz à effet de serre, les aérosols atmosphériques et l'exploitation des sols sont des facteurs mieux évalués et ils sont associés au contexte socio-économique. Pour tenir l'objectif d'un réchauffement global à 2 degrés, un scénario est possible. Atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble du globe d'ici 2060, c'est peut-être réalisable, mais seulement au prix d'efforts drastiques. Dans la revue PNAS, des paléontologues cherchent à expliquer pourquoi les archives fossiles proviennent principalement de spécimens masculins. C'est ce qu'on observe dans tous les musées d'histoire naturelle du monde. Les spécimens de fossiles de grands mammifères, bisons, ours bruns ou mammouths, sont en grande majorité des mâles. Ce qui est curieux, car rien n'indique que chez ces espèces, il y a eu un déséquilibre à la naissance du ratio mâle-femelle. Une équipe australienne propose plusieurs hypothèses. Soit la structure des troupeaux isole les jeunes mâles et donc les expose plus aux risques et aux prédateurs, c'est ce qu'on voit chez les actuelles populations d'éléphants. Soit, autre biais possible, nos pratiques de collecte face au dimorphisme sexuel entre les spécimens d'une même espèce. Les chercheurs de musées favorisent la conservation des plus gros fossiles qui s'avèrent être ceux de spécimens masculins. Et puis dans la revue Science, des neuroscientifiques allemands viennent de prouver que les rats aiment jouer à cache-cache. Et pendant quelques semaines, les chercheurs ont appris ce jeu à des rats. Ils ont joué avec eux en se cachant derrière des cartons, et ce, sans avoir besoin de les récompenser avec des friandises. L'analyse de leurs cris ultrasoniques montre qu'il s'agit bien des sons que les rongeurs émettent quand ils éprouvent du bien-être. On sait que ce sont des animaux intelligents et sociaux, mais on ne connaissait pas cette dimension ludique chez eux. Cette découverte lance de nouvelles questions éthiques quant à leur exploitation dans les laboratoires. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez retrouver d'ici là en podcast ou sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et j'en profite pour saluer Michael Kahn, bonjour. Bonjour. Voilà, vous venez de nous rejoindre, vous êtes avec nous en duplex de Darmstadt, vous êtes ingénieur affecté au Centre européen des opérations spatiales. Nous parlons donc de voile solaire tout au long de cette heure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a quelques semaines, la mission LightSail 2 réussissait une prouesse après 40 ans de recherche, effectuer une manœuvre en orbite terrestre, à l'aide d'une voile solaire. Le satellite mis en orbite fin juin par une fusée Falcon Heavy de la société SpaceX de l'inévitable Elon Musk consiste en un CubeSat de 3 unités amarré à une voile solaire de 32 mètres carrés. La propulsion photonique est une vieille antienne de l'exploration spatiale, mais n'avait jusqu'à présent jamais vraiment réussi à faire ses preuves. Ces choses faites donc aujourd'hui pour la Planetary Society, une organisation privée à but non lucratif cofondée entre autres par Carl Sagan en 1980 et qui est à l'origine de l'envoi de ce CubeSat, de ce LightSail 2 en orbite. Alors je le disais dans l'introduction de cette émission, trouver des alternatives à la propulsion chimique, c'est un vieux serpent de mer de l'exploration spatiale, comme en témoigne cette archive qui date de 1959. La propulsion ionique soumet un écoulement gazeux à des décharges électriques pour provoquer l'ionisation du gaz. Le courant d'ion obtenu est ensuite soumis à un puissant champ électrostatique qui l'accélère avant de l'éjecter vers l'extérieur. Il est possible d'obtenir de cette façon des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, mais avec des petits débits masse, car il faut travailler sous de très faibles pressions pour réaliser une ionisation poussée. Ce système conviendrait fort bien pour assurer la propulsion dans l'espace où il suffit d'appliquer, de façon continue, une très faible accélération pour atteindre graduellement des vitesses très élevées ou bien encore pour corriger une trajectoire. La propulsion ionique assurerait ainsi le relais de l'énergie chimique qui reste la seule possible pour assurer la mise sur orbite ou pour atteindre la vitesse de libération. Cependant, avant d'en arriver là, il faudra pouvoir disposer à bord de l'engin d'une puissante source d'énergie électrique de poids et d'encombrement acceptable. Voilà, archive de 1959, 10 ans avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors il n'est pas question de propulsion photonique, mais de propulsion ionique. Mais on voit bien, Jean-Yves Pardo, que ça fait longtemps que l'industrie aérospatiale cherche d'autres modes de propulsion plus économiques, différents, avec moins de contraintes que celles que représente la propulsion chimique traditionnelle. Oui, et surtout beaucoup plus efficace, c'est-à-dire rendre accessibles des missions qui ne le seraient pas par les moyens classiques. Et le point de départ de cette recherche, c'est la tentative, les réflexions qu'il y avait eu dans les années 70, 80, sur à l'occasion du retour de la comète de Halley, sur la définition d'une mission qui permet d'accompagner la comète. Et ça, c'est à l'origine, donc vous avez mentionné Carl Sagan, il était à l'origine avec Bruce Murray et Lou Friedman de cette de toutes ces activités. Ils avaient mis ils avaient conçu ce qui s'appelait le l'Héliogyro, donc qui était un engin absolument phénoménal et qui n'a pas été financé, mais c'est le point de départ de la phase nouvelle et crédible de la voile solaire. Ce qui est intéressant dans cette archive que l'on vient de diffuser, c'est qu'on entend un certain nombre de choses, et notamment quelque chose qui va nous intéresser au premier chef, Michael Kahn, c'est que, dans l'espace, on a besoin d'une très faible accélération pour atteindre une grande vitesse, et c'est vraiment ce principe-là qui est depuis le début derrière la pensée d'une propulsion photonique. Oui, c'est exact. Il y a beaucoup d'applications. On n'a pas besoin d'une grosse force parce que de toute façon, on a beaucoup de temps. Mais donc, ce qu'on appelle le delta V, le changement de vitesse à effectuer, peut être étendu sur une période très éloignée, donc très longue. Donc, par exemple, les satellites géostationnaires qu'on connaît, les satellites de communication, ont presque tous maintenant ce système de propulsion pour corriger leur trajectoire. Alors c'est intéressant, on va évidemment en discuter, on va essayer de comprendre pourquoi aussi pendant tant d'années la propulsion photonique, donc c'est la propulsion qui est derrière les voiles solaires, n'a jamais été vraiment complètement prise au sérieux, et on va voir pourquoi aujourd'hui, avec cette mise en orbite et ces premières manœuvres de Lightsail 2, on commence à s'y réintéresser. Peut-être Jean-Yves Prado, peut-on rappeler les origines? On pourrait presque remonter, si mes renseignements sont exacts, on pourrait presque remonter jusqu'à Johannes Kepler en 1619, qui commence à envisager qu'il serait possible éventuellement de déployer des voiles dans l'espace, ou est-ce que c'est un peu abusif? C'est pas Kepler. Kepler a noté par l'orientation de la queue des comètes, donc qui est à l'opposé de la direction du Soleil, qu'il y avait peut-être quelque chose qui venait du Soleil et qui justement les dirigeait. Donc il a émis l'hypothèse, mais c'est au détour d'une phrase qu'on peut faire cette hypothèse-là, qu'il y avait pensé. Mais plus tard, il faut attendre, Tsiolkovsky, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, qui, lui, a vraiment imaginé les possibilités d'utiliser la pression de la lumière du Soleil pour qu'il crée une force et qui permette de naviguer. C'est à s'appuyer aussi sur les travaux de Maxwell de l'époque, qui a quand même été l'initiateur de toute la conception de la magnéto-hydrodynamique. Ce qui est intéressant chez Maxwell, on est donc fin 19e, on va vous remettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée justement à Maxwell et à l'électromagnétisme, mais ce qui est intéressant, c'est que Maxwell va formaliser le fait que la lumière ne propage pas que de l'énergie, mais aussi une très petite quantité de mouvement. Ben schématiquement, la lumière, c'est composé de photons. Donc, il y a un échange de quantité de mouvement entre les photons et puis le matériau qui est obstacle. Alors, c'est absolument pas perceptible pour nous quand on est au sol ou même si on monte à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. Mais ça devient à prendre en compte. Parce que c'est permanent, surtout, même si c'est très très faible. Pour donner une idée, c'est à peu près l'équivalent d'un papillon qui se poserait sur un porte-avions nucléaire. Donc c'est quand même pas grand-chose, mais c'est permanent. Et donc ça peut permettre, d'une part, de modifier une trajectoire, et d'autre part, de maintenir en situation un véhicule spatial qui, autrement, consommerait des ergols pendant des années. Michael Kahn, les premiers à formaliser vraiment, au début du XXe siècle, ce que pourrait être ou ce que va être la propulsion photonique, c'est comme vient de le dire Jean-Yves Prado, Constantin Tsiolkovsky et Frédéric Zander. Vous pouvez nous dire peut-être un mot de cette première formalisation, de ces premiers travaux? Donc ça c'est un peu avant mon temps, mais je peux vous confirmer que déjà on s'est rendu compte que bien avant l'application des voiles solaires, on s'est déjà rendu compte que l'effet de la pression de radiation solaire, la pression photonique, sur par exemple les panneaux solaires des satellites, perturbe leur trajectoire, et c'est une perturbation qui se fait voir après quelques semaines, et déjà il faut appliquer des manœuvres pour la corriger, pour l'enlever. Donc c'est déjà une chose, c'était pas voulu, mais on a déjà eu la preuve expérimentale de l'existence de la pression photonique. Cette pression photonique, on l'a même utilisée d'ailleurs avant les voiles solaires pendant la mission Mariner 10. qui s'approchait de Mercure et qui subissait effectivement une pression très élevée à l'approche du Soleil. Alors ça a été surtout utilisé pour maintenir la rotation de la sonde elle-même. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est plus sur pour soulager, je dirais, des systèmes internes de maintien de l'altitude que pour la modification de trajectoire. Mais il y a eu aussi une modification de trajectoire qui allait dans le bon sens. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 dans la méthode scientifique, nous parlons donc de propulsion photonique et de voile solaire avec Jean-Yves Prado qui est avec nous ici à la Maison de la Radio et Michael Kahn qui est avec nous en duplex depuis Darmstadt. Peut-être, Michael Kahn, pourriez-vous nous expliquer, alors je vais repartir un peu de la base ou du niveau zéro. Finalement, moi, on m'a toujours expliqué qu'un photon, ça n'avait pas de masse. Alors, comment se fait-il qu'une particule, un boson sans masse, puisse exercer une pression sur un matériau résistant ? Ben, vous savez, moi, je suis ingénieur et pas physicien, donc... Dans les grandes lignes. Je sais que c'est faisable, je sais que c'est possible, parce que les faits, on le voit. Donc, pour moi, en tant qu'ingénieur, c'est suffisant, j'en preuve. Mais donc, pour le reste, il faut demander à un physicien. Mais on peut effectivement considérer, et dans le modèle qu'on applique pour comprendre, pour faire des calculs, pour dimensionner par exemple des voiles solaires, pour calculer les manœuvres qu'on pourrait éventuellement faire, on fait réellement on applique un modèle qui regarde, qui considère les photons comme particules, donc comme vraiment infiniment petits, mais des particules qui rebondissent d'une surface réfléchissante et qui appliquent une certaine force en touchant et aussi en rebondissant. Mais une force qui est de l'ordre du micro-newton, on est vraiment à des niveaux d'énergie très très très faibles. Sur un mètre carré, ça serait à peu près, si on mettait une graine de sable sur un mètre carré, donc sur une surface, une petite table, ça serait la force gravitationnelle exercée par cette graine de sable. Donc c'est vraiment minime. C'est pour ça que ça marche même pas dans les orbites basses où il y a encore l'atmosphère. Où il y a encore des effets d'atmosphère faibles, mais encore ça serait 10 fois plus fort que tout ce qu'on pourrait mesurer à cause de la pression de radiation solaire. Jean-Yves Prado, avant de revenir un peu derrière la physique de tout ça, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le premier test réel d'une voile solaire dans l'espace, c'est assez intéressant, c'était il y a 50 ans. C'était le 21 juillet 1969, c'est la première manip qu'aurait effectué Armstrong avant même de déployer le drapeau américain. Je vous pose une colle. Bien, apparemment, Armstrong aurait, parce qu'il y avait un laboratoire suisse de Berne qui ont déployé une voile solaire pour faire le premier test sur la Lune pendant 77 minutes de la pression photonique sur une voile déployée dans l'espace éloignée de l'atmosphère terrestre. Bah écoutez, voilà. Vous me l'apprenez. On va revenir alors à Carl Sagan plutôt, qui envisage donc le premier concrètement d'utiliser le principe de la voile solaire pour de la propulsion. Oui, donc là, c'était proposé à la NASA dans le début des années 80. Je rappelle que la comète de Halley passait mars 86 sans périhélie plutôt, et donc il y a eu évidemment beaucoup d'idées de mission, y compris la mission européenne Giotto, qui est passée le plus près, qui a passé à 500 km de la comète, mais qui l'a croisée. Et donc, ça a duré quelques minutes, ce passage. Ce qui était complètement différent avec l'idée qu'avaient en tête Lou Friedman et ses collègues américains à l'époque, qui était de faire un rendez-vous, d'accompagner la comète qui venait avec une vitesse quand même par rapport à Terre de plus de 70 km par seconde, c'est-à-dire à peu près 250 000 km/h. Donc, la quantité d'ergol qu'il aurait fallu pour s'arrêter et puis de l'accompagner était absolument, même maintenant, serait complètement inenvisageable. Donc, c'était la seule manière de résoudre cette question-là. Ils avaient conçu, donc ils avaient imaginé une voile, c'est appelé l'héliogyro, donc imaginez 12 lames d'une dizaine de kilomètres de longueur et 10 mètres de large, qui tournaient hein, comme un moulin à vent, et donc c'est tendu par la force centrifuge, ça faisait obstacle à la lumière du soleil, et ça permettait, en quelques années, au moins sur le papier, d'atteindre l'incrément de vitesse, donc le delta V, comme on dit dans le langage, permettant de se freiner et d'accompagner, enfin de se freiner par rapport à la comète et de l'accompagner. Ça n'a pas été fait parce que c'est quand même un pari très très audacieux, mais l'idée restait. Et c'est la raison pour laquelle, donc si on revient à l'origine de l'association LU3P, pour populariser ce concept, on a eu l'idée d'organiser ce qui était à la mode à l'époque dans le milieu des nautiques, hein, des courses entre la transatlantique, etc., de concevoir une course entre l'orbite géostationnaire et la Lune, course de voile solaire. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Ce sera l'objet de notre reportage du jour. Michael Kahn, alors du coup, je vais m'adresser à l'ingénieur qui est à vous. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne, une voile solaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, forcément, bien, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de le tester tant qu'on est sur Terre? Et concrètement, quelle est la mécanique qu'il y a derrière? Quel type de matériaux? Comment est-ce que ça se déploie? Racontez-nous un peu tout ça. Bon, une voile solaire, ça c'est simplement... Vous connaissez tous des petites... dans la voiture, par exemple, si on fait des balades en montagne, on a toujours des couettes de sauvetage qui sont faites d'une feuille métallisée, très fine, très faible. Les couvertures de sécurité, les couvertures de survie. Voilà, c'est les couvertures de survie, exactement, voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, enfin, c'est du Mylar, ça s'appelle du Mylar. C'est un produit qui est métallisé, qui porte une couche très fine de métaux, afin qu'elle soit réfléchissante comme un miroir. Et la masse est faible, mais la masse de la voile est faible, mais il faut quand même un mécanisme pour la déployer et pour la tendre, parce qu'il y a quand même une certaine force qui agit dessus. Et surtout, il y a aussi des micrométéorites et il y a aussi des forces centrifuges si on tourne le satellite. Donc tout ça qui pourrait abîmer la voile. Donc il faut une certaine rigidité, une certaine stabilité. Et quand même, si on regarde une voile une superficie de 100 mètres carrés, la masse totale qu'on envisage, ce serait dans les 30 à 40 kilos, 35 kilos peut-être. Donc, c'est pas beaucoup. Si on regarde, c'est quand même grand, 100 mètres carrés. Mais donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas la lancer comme ça. Donc, si on lance cet engin, cette voile, elle doit être pliée. Donc, pour qu'elle soit dans un tout petit paquet, pliée. Et après, il faut que ce soit déplié. Donc, et il faut que... sans déchirer, sans être abîmé. C'est là qu'on a le problème. Le déploiement de la voile est effectivement très très très très sensible. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre pour la voile solaire de la pression de la radiation solaire de ce qu'on entend et ce dont on parle généralement comme étant des vents solaires. Ce n'est pas la même chose, hein, Michael Kahn. Non, c'est pas du tout la même chose. Le vent solaire, c'est la radiation corpusculaire, donc surtout des protons et des électrons. Donc, c'est des particules chargées, beaucoup plus grandes que des photons, c'est pas ce qu'on voit. La lumière, c'est vraiment les photons, c'est vraiment la lumière, comme on la voit, ou même la radiation infrarouge. Donc, c'est tout à fait autre chose. Et alors, comment s'exerce exactement cette pression de radiation solaire sur la voile? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est la force d'accélération qu'on peut espérer? Puisqu'on n'arrête pas de dire que tout ça est extrêmement petit, extrêmement faible. Comment se fait-il qu'au bout d'un moment, on arrive tout de même à atteindre un certain seuil, une certaine vitesse suffisante pour corriger une trajectoire ou pour éventuellement ralentir un satellite, Michael Kahn? Ben voilà, la lumière, on peut la décrire comme un phénomène d'onde en physique, et aussi comme un phénomène de particules. Donc, c'est la fameuse dualité onde-corpuscule. Exactement, exactement, c'est ça, voilà. Et donc là, si on la regarde comme particule, on peut voir une grosse masse de particules qui approche la voile, qui touche la voile. Donc là, il y a une petite impulsion qui est partagée avec la voile. Et puis, puisque la voile était un miroir, les particules sont réfléchies, rebondissent la surface. Et dans ce moment, toute particule donne la même force et donc accélère encore dans la même direction qu'avant la voile. Donc on redouble la force. Et sur un mètre carré, avec la lumière proche de la Terre, on aura 1% d'un millième d'un newton. Donc, newton, c'est l'unité de force. Et Un Newton, c'est, comme j'ai dit avant, c'est exactement c'est la force qu'on a si on met, une petite graine sur un de sable sur, sur une table de, d'un mètre carré. Donc c'est vraiment minuscule comme force, mais il faut aussi voir que cette force agit continuellement. Donc, dans, dans une journée, elle agit pendant 86 400 secondes. Donc, il faut intégrer, donc il faut ajouter toute cette force qui agit sur cette période de temps étendue. Et à la fin, on a quand même une vitesse mesurable, et assez considérable. D'autant qu'évidemment, quand on est dans le vide spatial, il n'y a aucun frottement, aucune résistance, et que donc on est sur une forme d'accélération constante, Jean-Yves Prado. Mais on est attiré gravitationnellement, principalement par le Soleil, mais aussi par toutes les planètes, principalement Jupiter, mais aussi, selon la distance à laquelle on se trouve, plus les astéroïdes. En fait, donc ça, ce sont des accélérations sur lesquelles on ne peut rien. Les corps célestes, ils sont où ils sont, et voilà. Donc la toute force qui vient en plus, soit des ergols, je dirais de manière traditionnelle, qui allument qui agissent sur des moteurs fusées ou des ou la propulsion ionique comme vous parliez tout à l'heure, comme vous mentionnez tout à l'heure, mais tous ces moyens techniques, ils utilisent du carburant. Donc à un moment donné, il faut soit les ravitailler, soit ça s'arrête. L'intérêt de la propulsion photonique, c'est que c'est permanent. Le Soleil, l'échelle de l'émission, il est complètement permanent. Donc c'est vraiment un atout pour certaines missions, évidemment pas pour toutes, mais pour des missions donc qui demandent une fort incrément de vitesse à condition de ne pas être trop pressé, d'avoir plusieurs années devant soi pour acquérir les kilomètres par seconde d'incrément de vitesse qui sont nécessaires. Donc là, c'est la solution, je dirais, idéale. Mais comment on les acquiert, justement, ces incréments de vitesse? C'est vraiment juste avec le temps, en attendant petit à petit que cette propulsion constante finisse par accélérer, ou utilisant aussi, justement, l'attraction gravitationnelle et un ensemble de paramètres? Se pose la question de la navigation avec la voile. On parle de pression, mais donc le résultant de cette pression, c'est une accélération qui est perpendiculaire à la voile. Donc, sous réserve que la voile soit vraiment un miroir parfait, qu'il n'y ait pas de plis, qu'il n'y ait pas de petits problèmes de fabrication. Donc, la composante de l'accélération est perpendiculaire à la voile. Donc, selon la direction que vous donnez à la voile par rapport au Soleil, soit vous orientez cette composante de telle manière qu'elle augmente la vitesse, soit qu'elle la réduise. Si elle la réduit, la voile va se rapprocher du Soleil. Si elle l'augmente, la voile va s'éloigner du Soleil. Donc de la même manière qu'on peut penser atteindre des planètes ou lointaines, on peut aussi, je rappelle quand même qu'on fait 30 km par seconde autour du Soleil actuellement en étant sur Terre, on peut aussi plonger vers le Soleil. Donc il y a des missions de revenir, de plonger vers le Soleil, qui peuvent être aussi envisagées comme ça. C'est pas uniquement aller vers l'extérieur, c'est aussi aller vers l'intérieur qu'il est possible de faire. Michael Kahn, justement sur cette notion des incréments d'accélération, combien de temps et à quelle vitesse est-ce qu'on peut espérer finalement envoyer ces voiles solaires? Et on ne parle pas encore de la capacité d'emport, parce qu'on va on va voir que elle est évidemment, plus on veut emporter, plus la voile solaire doit être grande et plus les contraintes deviennent importantes. Ben, le facteur important, c'est la superficie de la voile divisé par la masse. Donc si on a une très grosse superficie, une relativement grosse superficie, une très faible masse, donc un corps très léger, ce corps peut atteindre des vitesses absolument formidables. Parce que si on regarde des particules de poussière dans l'espace, il y a plein qui se baladent dans l'espace, elles peuvent être carrément éjectées du système solaire rien que par la pression photonique. Mais donc là, ce serait pas utile, sauf si on arrive vraiment à miniaturiser la technologie. Un vaisseau spatial peut pas être miniaturisé à ce point-là pour qu'il soit vraiment aussi petit qu'un grain de poussière de sable. Bien sûr. Mais si c'était possible, là, on pourrait atteindre des vitesses aussi importantes. Et il faut aussi voir que la force est une fonction de la distance du Soleil. Donc, si à la moitié, nous on a une certaine distance du Soleil, 150 millions de kilomètres, et si on réduit cette distance, de, par exemple, à 70% de cette distance, on a déjà deux fois plus de pression. Et donc, si on va vers Vénus, la, la force la, va augmenter. C'est une voile est deux fois plus importante. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement envoyer, envoyer ces voiles vers le Soleil pour justement profiter de l'approche du Soleil comme une force d'accélération. On va en reparler parce que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec une mission de la JAXA. Et puis on va reparler au fait, aussi du fait que de temps en temps, on peut donner un petit coup de pouce depuis la Terre pour d'un seul coup propulser ces voiles solaires, comme vous le disiez à l'instant, Michael Kahn, à des vitesses très très très importantes. Space Traveler sur France Culture à 16h32 dans la méthode scientifique. Space Traveler, non pas parce qu'Antoine Beauchamp vient de nous rejoindre et qu'il vient, comme chacun sait, d'une galaxie lointaine. Très loin. Mais parce que nous parlons de la propulsion photonique et des voiles solaires tout au long de cette heure en compagnie de Michael Kahn, qui est avec nous en duplex depuis Darmstadt, qui est ingénieur affecté au Centre Européen des Opérations Spatiales, et avec Jean-Yves Prado, qui est avec nous ici à la Maison de la Radio, qui est ingénieur retraité du CNES et président de l'association U3P, l'Union pour la promotion de la propulsion photonique. Alors peut-être que on le disait, hein, c'est vrai que pendant longtemps la propulsion photonique n'a pas été prise très au sérieux. Il a fallu attendre les années 70 et Carl Sagan, et puis là les années 2000 et les projets dont nous allons parler dans quelques minutes pour montrer qu'elle est efficiente et efficace. Et il a fallu beaucoup bien de réhabilitation venant de travail associatif comme celui de l'U3P que vous présidez, Jean-Yves Prado. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes. Vous avez donc rencontré des membres de l'U3P. Un membre qui vous a expliqué en quoi consiste justement ce travail associatif. Oui, il s'agit d'Olivier Boisard, qui est ingénieur, professeur à l'École centrale de Lille et ancien président de l'U3P. Il m'a parlé de l'association qui a été créée au début des années 80 et il m'a parlé des différents ateliers que l'U3P anime avec des étudiants en classe préparatoire, au lycée ou en école d'ingénieur, mais aussi des logiciels de simulation consacrés aux voiles solaires que vous développez, le tout avec une passion, celle de la propulsion photonique et des recherches qui y sont consacrées. À la fin des années 70, on envisageait de faire des missions, quand je dis on, c'était notamment la NASA, pour rencontrer la comète de Halley qui devait passer. Et donc il fallait un vaisseau pour la rejoindre. Et des Américains ont imaginé un grand voilier pour faire cette rencontre avec la comète de Halley qui était au début des années 80. Hélas, ils n'ont pas pu le faire, il y a eu des coupes budgétaires, donc ils ont créé une association. Et nous, à l'époque, quand je dis nous, donc c'était notamment des ingénieurs du CNES. Moi, j'étais étudiant en classe prépa à l'époque. Ben, on a imaginé de faire une course Terre-Lune de voilier solaire, de reprendre cette idée de voilier solaire qui nous fait rêver, et puis de la transformer en quelque chose de ludique, faire une course où il y aurait eu plusieurs pays pour aller, le premier qui aurait gagné aurait été le premier à franchir la distance Terre-Lune. Voilà l'idée fondatrice qui a beaucoup évolué. Évidemment, on est moins dans cette logique aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner la période plus récente, il y a des éléments nouveaux qui sont les microsatellites, les CubeSats, etc., qui rendent accessible ce qui était très coûteux dans les années 80. Moi, j'ai connu l'époque où on disait « Est-ce que les voiles solaires, c'est très sérieux ?» Aujourd'hui, on est dans l'époque où les voiles solaires, c'est quelque chose de, entre guillemets, banalisé. Enfin, le concept est accepté et ça nous ouvre la porte à des tas de projets passionnants. Alors vous, au sein de l'U3P, comment vous faites vivre cette passion pour ce type de propulsion photonique et quel type d'atelier vous animez en lien avec les voiles solaires? On a fait beaucoup de choses avec des étudiants parce qu'on n'avait pas non plus les moyens de concevoir un satellite comme l'ont fait les Américains. Ça demande des gens à temps plein, etc., moyens qu'on n'a pas. On est plus dans le concept et les idées. Et donc, on a été souvent sollicité par des étudiants via notre site internet, alors qui font ce qu'on appelle des TIPE, souvent des étudiants en classe préparatoire, ou alors des lycéens qui font ce qu'on appelle des TPE, donc des travaux personnels encadrés ou etc., qui nous disent « on veut faire une expérience mettant en évidence la pression photonique ». Alors, on a été tellement heureux, là c'était au début des années 2010, de réussir une expérience qu'on l'a mis sur une petite vidéo sur notre site. Et on a fait une expérience qui a permis de mettre en évidence la pression photonique. Alors, vous avez aussi un travail de modélisation, je crois, alors parfois de maquettes même. Est-ce que vous avez des illustrations de ces maquettes de voiles solaires que vous avez pu mettre au point? Et est-ce que vous pourriez me les décrire? Alors, deux choses, effectivement. Un domaine qui, moi, m'intéresse tout particulièrement, y compris professionnellement, c'est l'image de synthèse et la mise en image. Et effectivement, sur notre site, on a fait beaucoup d'images de synthèse. Alors notamment, on a des petits clips. Par exemple, en 2008, on avait imaginé un concept de CubeSat qu'on avait appelé Libellule. Et après, Libellule Demoiselle, on l'avait, puisque la demoiselle est une sorte de libellule. Et on a fait un petit clip qui est sur notre site, qui reprend les mêmes concepts que LightSail, c'est-à-dire 3 CubeSats mis bout à bout qui font 30 cm sur 10 sur 10, avec un déploiement. Donc l'idée de LightSail, les Américains l'ont vraiment, ils ont leur mérite, c'est vraiment d'avoir concrétisé, mais c'est une idée qui était dans l'air depuis longtemps, ou dans l'espace. Donc ça, c'est le côté image de synthèse qui, pour nous, est important. Et après, il y a un deuxième volet qui est complémentaire, c'est les simulateurs. On a 3 générations de simulateurs sur notre site. Un en C++, pour les étudiants, on donne tout le code, tout est sur le site. Un autre qui a été fait à la fin des années 90 en Java. Et là, on a la 3e génération en JavaScript et WebGL pour technique. Et donc là, vous pouvez prendre les commandes d'un voilier, faire évoluer votre orbite depuis une orbite circulaire autour de la Terre jusqu'à déformer l'apogée jusqu'à la Lune ou ailleurs. Et ça aussi, c'est très pédagogique. Le simulateur est très, très technique, donc très réaliste. Vous pouvez jouer sur différents paramètres. Donc là, on a une voile solaire qui tourne, qui a une orbite. Alors, qui a une orbite. Après, et alors, c'est pour ça que nous, on avait cette idée de faire une course de la Terre à la Lune. C'est qu'il y a des stratégies de navigation envisageables. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un satellite avec un moteur et puis on vise la Lune et puis basta. On est sur une stratégie où on peut, entre guillemets, tirer des bords. Donc c'est pas la même chose qu'un voilier, hein, on est bien d'accord, qu'un voilier terrestre ou marin. Mais il y a des stratégies de retournement. Donc c'est une chose qu'on voit sur notre simulateur. On a des algorithmes qui permettent d'optimiser, selon différents critères, l'optimisation de la voile, avec des effets d'ailleurs assez intéressants. Par exemple, si vous partez d'une orbite circulaire, eh bien, en naviguant, vous aurez toujours le périgée, donc le point le plus proche de la Terre, qui sera à peu près le même, et vous allez augmenter l'apogée. Donc vous allez avoir un cercle qui va devenir de plus en plus elliptique, et toute l'astuce dans notre problématique, faut penser dans l'espace, hein, ou avec les plans des orbites, etc. Ça va être de synchroniser votre évolution d'orbite pour passer juste derrière la Lune qui tourne. Qu'on va tourner d'ailleurs aussi sur ce simulateur-là. Qu'on voit tourner. Alors, dans la version actuelle de simulateur, moi je me lasse pas de... Alors, il est encore un peu austère au niveau des commandes, mais il est très réaliste et il est très beau. Et c'est aussi un des intérêts, moi j'allais dire, de ça, c'est de rendre intuitif, jusqu'à une certaine... mais de ressentir cette logique de la mécanique spatiale. De la Terre à la Lune, un peu plus de 150 ans après Jules Verne, c'est peut-être, ça n'est pas qu'un rêve, enfin en tout cas les voiles spatiales n'ont pas que cet objectif-là. J'aimerais juste une réaction rapidement, bon, Jean-Yves Prado évidemment en tant que président de cette association U3P, aujourd'hui de l'importance du milieu associatif pour développer, pour avoir peut-être fait réaliser au milieu de l'aérospatiale que les voiles solaires n'étaient pas qu'une utopie lointaine, imaginée par des gens un peu... Je pense que dans les domaines qui sont quand même très innovants et même risqués d'un point de vue technologique, il est tout à fait normal qu'on passe par des étapes, vous parliez de Jules Verne, de conception purement intellectuelle de romancier. Bon, il y a Jules Verne, mais il y en a beaucoup d'autres. Arthur C. Clarke. Et puis après, il y a l'idée qui germe un peu, il y a un petit pas qui est fait, et ça a été fait, je dirais, on y a collaboré, on y a contribué avec la course Terre-Lune. Les Japonais, une équipe de Japonais a trouvé ça très intéressant, et c'est cette équipe-là qui était à l'origine d'Icaros. On va en reparler dans un instant. Donc, si vous voulez, il y a toute une logique, on y aura contribué à notre modeste part, et on espère continuer. Aujourd'hui, Michael Kahn, les voiles solaires, c'est un projet qui est totalement pris au sérieux par le milieu de l'aérospatiale qui a intégré justement un certain nombre de programmes, on va le voir, de l'agence spatiale japonaise, mais pas uniquement. Oui, en fait, on voit bien que maintenant, il y a beaucoup de projets qui vont dans cette direction parce que, justement, on entend toujours le mot CubeSat, ce mot qui surgit partout. Et c'est parce que, avant, les satellites étaient, tout au début, les satellites étaient petits et primitifs. Et après, ils étaient complexes mais grands. Et maintenant, ils sont petits et complexes. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal pour avoir une voile solaire, propulsion par une voile solaire. Il faut toujours un satellite qui soit petit. Petit et peu lourd, oui. Voilà. Et quelles sont les limites aujourd'hui de cette technologie? On parlait, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, Jean-Yves Prado, on voit bien, donc on a bien compris ce système d'incrément d'accélération. Quand on a envoyé un microsatellite ou un CubeSat avec une voile solaire, on peut se servir de la voile solaire pour le ralentir, pour le freiner, pour limiter sa vitesse? Alors, il faut savoir, sans entrer trop en détail, que l'efficacité de la propulsion photonique, ça varie comme le carré de la distance au Soleil, de la même manière que la gravitation, que la gravité, que la force de gravité. Donc, un dimensionnement qui permettrait de dépasser d'avoir une quantité de pression photonique supérieure à l'attraction gravitationnelle permettrait d'adopter des trajectoires complètement différentes de ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire aller en ligne droite, y compris de s'arrêter dans le système solaire. Mais de s'arrêter comment ? Eh bien, s'arrêter simplement parce qu'on freinerait, on aurait une trajectoire donc en ligne droite, et puis qui diminuerait par rapport au Soleil en termes d'amplitude. À cause de la distance au Soleil ? Mais même on pourrait se rapprocher du Soleil. Alors évidemment, pour ça, il faudrait avoir à peu près 1000 mètres carrés par kilo. Donc on en est, il y a facilement un rapport 10 ou 20 par rapport à ce qu'on saurait faire de mieux dans la technologie actuelle. Mais bon, il faut voir, à très long terme, je pense, et concevoir les voiles d'aujourd'hui en fonction d'applications de demain et d'après-demain. Donc ça, c'est du après-demain. Survoler, par exemple, des astéroïdes, c'est demain. Donc il y a il y a le programme Scout qui a été proposé à NASA, qui permettrait de survoler les astéroïdes pour les observer. Il y a 800 000 astéroïdes qui sont répertoriés, donc on ne va pas faire des missions compliquées pour chaque astéroïde. Donc ça permettrait d'avoir une espèce de dessin de voile solaire piloté par des étudiants, parce que évidemment plus il y en aurait, moins ça coûterait cher unitairement. Donc c'est peut-être une des perspectives d'évolution d'utilisation de la voile solaire. On comprend bien qu'effectivement on est sur des CubeSats. On vous a mis d'ailleurs le lien vers l'émission que nous avions consacrée à ces nanosatellites qu'on envoie de plus en plus et qui donnent accès à l'espace, effectivement, à des laboratoires, à des étudiants, et qui permettent de non seulement de réduire les coûts, mais d'embarquer malgré tout de telles technologies de pointe, comme le disait Michael Kahn. Michael Kahn, une question tout de même sur cette notion de ralentissement à l'approche de la cime. Comment est-ce qu'on ralentit une fois qu'on a accéléré comme ça un microsatellite dans l'espace avec une voile solaire? Je suis pas sûr d'avoir bien saisi comment est-ce qu'on peut réussir à freiner sa course. Comme M. Prado a expliqué tout à l'heure, on peut orienter une voile solaire, donc la c'est pas toujours la force qui est... La force ne doit pas forcément toujours être orientée dans la direction opposée au soleil. Donc en tournant la voile, on peut obtenir une force qui est plus ou moins dans la direction de la vitesse, donc orbitale, ou opposée à la vitesse orbitale. Donc ça peut réduire, ralentir la vitesse orbitale. Quelles sont selon vous aujourd'hui les limites technologiques ou les limites de concept de cette voile solaire? Alors on imagine qu'évidemment si on veut les envoyer très loin, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a toujours le problème des micro-météorites et des petits débris qui volent dans l'espace. Plus la voile est grande, plus elle peut risquer d'être percée, plus elle est percée, moins elle est efficace. Mais est-ce qu'il y en a d'autres selon vous, Michael Kahn? Déjà les matériaux qu'on utilise pour fabriquer la voile sont... Là, dans l'espace, il y a un environnement très dur, très rude. Donc, les métaux qu'on met pour créer un miroir parfait sont noircis par cette radiation. Et puis, ça peut même déchirer au fur et à mesure le tissu de la voile. Donc, la durée de vie est limitée. Jean-Yves Prado, sur les limites, et puis ensuite on viendra à d'autres choses comme les avantages. Oui, comme tout, il faut voir, on faisait l'analogie avec les couvertures de survie, avec le Mylar, c'est enduit d'une couche de métal vaporisé, et il y a un vieillissement. Donc les performances d'une voile solaire, au bout de quelques mois, quelques années, selon le matériau qu'elle a utilisé, il y a effectivement des problèmes de vieillissement qui vont altérer ses performances, ses caractéristiques. Il y a le problème de la dimension. C'est sûr que faire rapport dimension-poids. Voilà, faire des mâts de 15 mètres, 20 mètres, bon, on sait faire. Si c'est quelques centaines de mètres, ça commence à être difficile, même dans l'espace. Donc, il faudrait peut-être envisager aussi des structures gonflables. Comme une jante de vélo, mais qui peut être de plusieurs centaines de mètres. Il y a toute une panoplie de conceptions de voiles qui existent. Actuellement, celle qui a été testée, donc avec LightSail, c'est, je dirais, le un peu comme une tente de camping avec des mâts et puis une toile qui est supportée par des mâts. Oui, on vous a mis là aussi quelques vidéos, quelques petites images animées qui vous montrent le déploiement de ces voiles LightSail. Alors justement, on va parler un peu concrètement. Qu'est-ce qui est encourageant pour vous, pour l'un et pour l'autre, dans cette mission LightSail 2? Qu'est-ce que ça a prouvé? Qu'est-ce que la Planetary Society vient de démontrer cet été, Jean-Yves Prado? Alors, elle est en train de démontrer, puisque la mission n'est pas terminée, elle doit se terminer dans un peu plus d'un an, qu'il est possible, même dans des conditions défavorables, puisque LightSail est très proche de la Terre, c'est à 700 km d'altitude, hein, en moyenne, ça pour des questions de coût de lancement, parce qu'ils avaient une opportunité de lancement pas chère. C'est 3 CubeSat, hein, LightSail. Quand on dit 3 CubeSat, c'est un volume, hein, c'est un volume, un seul satellite, qui est l'équivalent, en gros, de 3 boîtes de chaussures qu'on mettrait côte à côte. Ça donne une idée, c'est 4-5 kilos de poids, donc ça... Il y a plus, il faut voir aussi que toute l'électronique nécessaire pour gérer tout ça, ça tient dans ce qu'on a comme de téléphone mobile actuellement, ce qui est complètement différent d'il y a 20 ou 30 ans. Donc les progrès dans d'autres domaines que la voile vont dans le bon sens. Donc ça rend possible de la généralisation à des coûts supportable de ce genre de véhicule. Et je crois que c'est une étape importante. C'est présenté comme ça de manière très médiatique. Hein. Planetary Society, c'est 100 000 membres. Hein. C'est vraiment c'est à l'américaine. Hein. C'est énorme. Et ils vont certainement pas en rester là. Donc il faut s'attendre, une fois que la démonstration de la modification de l'orbite qui est en cours aura été probante, de la modification de l'orbite grâce à la voile solaire. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est la voile pour manœuvrer en orbite. Voilà, mais ce qui est difficile, parce que étant à une altitude de 700 km, il y a encore du frottement atmosphérique, c'est pas les conditions idéales. Donc déjà montrer qu'il est possible de faire quelque chose même dans des conditions qui sont plutôt défavorables, c'est un excellent point, parce que ça permet largement d'extrapoler à des missions plus ambitieuses. Donc je pense que ça va ouvrir une porte, parce que ça apporte la crédibilité à cette méthode. Michael Kahn, votre point de vue sur cette mission? Moi, je trouve ça. Je vois, parce que je suis ingénieur, je vois plein de problèmes, même dans les détails. Des problèmes d'ingénieur qui sont. Bon, chacun des problèmes est suffisamment difficile et grave pour pouvoir tout empêcher. Donc, avoir résolu tous ces problèmes-là, c'est déjà assez impressionnant, je trouve. Alors, si on remonte quelques années en amont, avant la ETCL 2, il y a eu la ETCL 1 qui a déployé, alors qui n'a pas manœuvré, mais qui avait déjà réussi à déployer une voile solaire en orbite. Vous le disiez tout à l'heure, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Jean-Yves Prado. La première preuve de concept, en quelque sorte, c'est l'agence spatiale japonaise, la JAXA, et la mission Icaros. Vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste? C'est une mission ADEX, une mission vers Vénus? Alors, c'est une mission qui est assez originale. Le contexte, c'était qu'il fallait trouver un contrepoids à une mission scientifique qui allait vers Vénus. Et bon, je ne sais pas de quelle manière, mais l'équipe japonaise a obtenu que ce soit une voile solaire qui soit embarquée dans le lanceur en même temps que la mission principale. Alors, ce qui est original dans cette voile, donc qui s'appelle Icaros, c'est que la commande d'orientation de la voile se fait sans aucun mouvement mécanique. C'est uniquement en jouant sur les caractéristiques optiques d'une partie du revêtement de la voile que l'orientation se fait. Donc c'est quelque chose de quand même très très très intéressant parce que ça permet de résoudre la grosse difficulté des problèmes mécaniques. Il y a toujours plus il y a d'articulations, plus il y a de chances que ça se passe mal. D'ailleurs, il y a eu le cas d'une mission, c'était pas une voile solaire, mais c'est assez proche, Spartan de la NASA, donc qui était un déploiement d'une grande antenne à partir de la navette spatiale américaine, qui a rencontré quand même pas mal de problèmes pour se déployer, justement pour ces raisons. Donc ne pas éviter les problèmes mécaniques, ça va dans le bon sens. Et alors, du coup, aujourd'hui, où on en est exactement? Parce qu'il y a donc la JAXA qui a, je crois, un autre projet pour 2026 qui s'appelle Okeanos. Vous pouvez nous dire un mot, peut-être? Alors, de ce que je reconnais, c'est d'aller sur visiter les satellites dits troyens de Jupiter. Donc là, on rentre dans une logique. Jusqu'à Jupiter, on y va classiquement, hein, comme chacun. C'est-à-dire avec des ergols, avec de la propulsion chimique. Enfin avec voilà. Et puis après Jupiter, il y a une phase de dérive dans laquelle c'est les voiles solaires qui permettent de rejoindre les astéroïdes dits troyens, donc qui suivent Jupiter en fait sur la même orbite. Il y en a des milliers. C'est ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, Michael Kahn, c'est que cette propulsion photonique, ces voiles solaires, aujourd'hui on commence à l'envisager. Je crois qu'il y a même que la NASA a recommencé à s'y intéresser comme des moyens de propulsion d'appoint pour prendre le relais à certains moments des propulsions plus traditionnelles qui sont utilisées pour les sondes spatiales et les missions classiques. Oui, il est clair que l'évolution dans les satellites va vers des satellites de plus en plus petits. Donc là, tout de suite, cette question de propulsion photonique devient intéressante. Plus petit, puis aussi certainement moins coûteux. Alors, il y a aussi un projet dont on avait parlé un peu, là, ça ressemble plus à de la science-fiction, mais qui met en jeu des voiles solaires. C'est ce projet Breakthrough Starshot, qui a été impulsé par le russe Yuri Milner, soutenu par Stephen Hawking et financé en partie par Mark Zuckerberg. Alors là, l'idée, c'est justement de propulser des tout petits, des très petits nanosatellites, c'est-à-dire de la taille d'un timbre, mais avec des voiles solaires. Et là, au lieu d'attendre justement cet effet d'incrémentage de vitesse, et bien de les lancer, de les pousser avec un laser tiré depuis la Terre en direction des voiles solaires et d'en envoyer comme ça très très loin pour atteindre là des vitesses, on parle de quasiment un quart de la vitesse de la lumière, Jean-Yves Prado. Oui, alors là c'est... Enfin, moi, je considère qu'il faut être prudent quand même. Mm-hmm. Parce que le laser, en fait, le but du laser, c'est de remplacer la lumière du soleil. Donc, en le multipliant par plusieurs millions. Il faut quand même un laser avec une lentille de l'ordre du kilomètre de diamètre. Donc, on a du mal quand même à le faire. Ce laser, il devait être dans l'espace. Et tout ça. Il pourrait pas être tiré depuis la surface. Ben, tirer depuis la Terre serait pas très... D'abord, la Terre tourne, donc il faudrait... Et puis, s'il y a quand même une détérioration optique, il y a pas mal de choses, donc il faudrait que ces lasers soient dans l'espace. Ou éventuellement sur la Lune, mais bon, mettons dans l'espace. Et c'est surtout, dans le principe, si vous voulez, c'est correct. C'est-à-dire, c'est la pression de radiation, au lieu d'être créée par le soleil, est créée par un laser. Donc, on maîtrise, en théorie du moins, des puissances. Donc, ça peut être un moyen d'aller de quitter le système solaire. Mais d'après les chiffres, d'après ce qu'on a pu voir, il faudrait quand même 6000 ans pour arriver à l'étoile la plus proche. Ah, moi, j'ai lu des chiffres beaucoup plus petits que ça. Hein. Bon. Qui comptait en dizaines d'années. Vous y croyez pas trop. Oui, mais le quart de la vitesse de la lumière, c'est pas. Non, mais alors, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus dubitatif. Michael Kahn, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un avis, vous, sur ce projet Breakthrough Starshot? C'est de l'ordre du conceptuellement envisageable, ou est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Michael Kahn. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu la liaison avec. J'ai l'impression qu'on a perdu la liaison avec Darmstadt. Alors un dernier mot peut-être, Jean-Yves Prado. Effectivement, aujourd'hui, quelles sont les positions? Il y a des positions officielles de l'ESA ou de la NASA sur cette technologie de la voile solaire. Je disais que la NASA recommence à s'y intéresser. C'est le retour en grâce après être passé un peu pour un élément peu sérieux pendant plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'avant qu'il y ait une position officielle d'une agence, quelle qu'elle soit, il faut avancer dans les démonstrations technologiques. Donc ça passe par des contrats avec des écoles, avec des entreprises pour franchir des étapes une à une. Le Light Sail 2, ça correspond d'une certaine manière à cette logique. C'est un appel financement, ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire vous et moi, on peut donner 10 euros, enfin 10 dollars. À la Planetary Society. Voilà. Hein, à la Planetary Society. Non, c'est. Vous avez en tête le budget de cette mission? C'était de l'ordre d'une dizaine de millions de dollars. Une dizaine de millions de dollars, oui, c'est ça. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. Bon, des dizaines de millions de dollars, c'est intermédiaire entre le coût de. C'est très peu cher. Enfin, je veux dire, c'est vraiment par rapport à un programme dans l'espace. C'est une étape nécessaire. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, un dernier mot peut-être pour aujourd'hui. On a des pistes pour pouvoir augmenter la charge sans que ce soit nécessairement augmenter la taille de la voile. Est-ce que en travaillant sur le matériau, peut-être en utilisant aussi la voile comme des panneaux solaires, c'est-à-dire qui pourraient alimenter du coup en électricité les satellites ou la charge utile? Non, je crois que actuellement les perspectives technologiques, ça serait de fabriquer la voile dans l'espace. C'est-à-dire de se dispenser, ce qui est lourd, c'est le substrat. On parlait de la couverture de survie, c'est du millard avec un métal vaporisé. Donc, de vaporiser du métal sur une grille dans l'espace, ce qui permettrait de s'affranchir du matériau porteur. Mais là, c'est encore... Là, on est aussi très loin. Michael Kahn, on vient de vous récupérer. Peut-être un dernier mot sur les perspectives d'amélioration. Aujourd'hui, je demandais à Jean-Yves Prado de ces technologies. Peut-être qu'on peut améliorer justement la voile, la matière dans laquelle est faite la voile, l'alléger encore un peu, ou éventuellement l'utiliser comme panneau électrique ou comme panneau solaire pour fabriquer de l'énergie, simplement. Mais je suis tout à fait d'accord avec M. Prado. Donc, la fabrication dans l'espace, ça pourrait résoudre pas mal de problèmes qui se présentent actuellement. Parce que le déploiement, c'est quand même un problème assez difficile pour une structure aussi grosse, aussi grande, étendue. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci, Michael Kahn. Merci à nos camarades pour le duplex depuis Darmstadt. Merci à vous, Jean-Yves Prado, d'être venu nous parler donc de ces voiles solaires. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Eve-Étienne Céline-Lausanne, Alexandra Delbo, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Adèle Caglar à la technique. Demain, eh bien, nous nous intéresserons à une autre forme de prouesse, une prouesse biotechnologique. Cette fois, sommes-nous à l'orée de la construction d'un œil de synthèse qui serait un œil à la fois eh bien, cybernétique et en même temps biologique, biotechnologique, qui pourrait remplacer l'œil humain. Nous parlerons de l'œil bionique demain à 16h. Vous allez voir que certaines études montrent que nous n'en sommes pas très loin, jusqu'à preuve du contraire.